Chapitre 18e, l'ultimatum. Madame de Valombreuse, après avoir annoncé à Maurice de Lavernès sa ferme résolution d'aller trouver Flavien Morin, était partie presque aussitôt, accompagnée d'un guide. Le cœur lui battit bien fort pendant toute la route, et par moments, elle se demanda comment elle aborderait l'ancienne institutrice qu'elle avait fait condamner autrefois. Sans la pensée du salut de ses enfants, elle serait revenue sur ses pas. La jeune négresse était assise devant la porte du chalet, ayant son fidèle Terre-Neuve couché à ses pieds lorsque la duchesse se présenta. Scabieuse, en la voyant, quitta son banc sans manifester ni surprise ni embarras. « Mademoiselle Flavia est-elle chez elle ?» demanda la grande dame, sans paraître reconnaître Scabieuse qui, vu son teint basané, était des plus reconnaissables. « Miss Colfax rentre à l'instant, madame, » répondit la négresse. Veuillez lui annoncer que la duchesse de Valombreuse désire lui parler. Scabieuse entra dans le chalet, puis ressortit bientôt. Vous pouvez venir, madame, dit-elle. Miss Colfax consent vous recevoir. Madame de Valombreuse, en entendant ces paroles insolentes prononcées d'un ton insolent, pâlit de colère. Elle se trouva donc réduite à cette humiliation qu'une entrevue lui fut accordée par son ancienne salariée à titre de faveur. Veuillez me suivre, madame, continua la jeune négresse. Elle conduisit la duchesse dans le petit salon du chalet où l'attendait Flavia Morin, ou plutôt Miss Colfax. Flavia se leva droite et froide lorsque Madame de Valombreuse entra, et sans prononcer un mot, sans faire un pas à sa rencontre, elle se borna à lui indiquer un siège. Bien que Flavia eût appris depuis longtemps à rester maîtresse d'elle-même, bien que depuis longtemps elle attendît avec impatience cette heure tant souhaitée de la revanche, elle n'avait pu cependant s'empêcher de tressaillir en voyant entrer la duchesse. La duchesse de ce côté n'était pas moins vivement impressionnée. Les femmes possèdent un coup d'œil merveilleux pour se deviner et se juger. Un seul regard suffit à Madame de Valombreuse pour constater le changement qui s'était opéré chez l'ancienne institutrice d'Ève et de Marcel. Flavia n'avait plus cette timidité de jeune fille qui la faisait rougir à la moindre émotion. C'était une femme dans toute l'acception du mot. Une femme adorablement belle, sur le visage de laquelle se lisait une fierté virile et une volonté indomptable. De son côté, Flavia avait saisi au passage, sur les traits pâlis et fatigués de la duchesse, la trace de larmes mal séchées et d'incurables douleurs. Elle avait toujours cette beauté imposante des grandes dames espagnoles, mais sa beauté si éclatante autrefois avait revêtu un caractère funèbre. Debout, le visage d'une blancheur d'albâtre, drapée dans un châle de dentelle noire, Madame de Valombreuse ressemblait à une statue placée sur le socle d'un tombeau. Pendant quelques instants, le silence régna dans le petit salon. Les deux ennemis se regardaient, chacune attendant que l'autre parlât la première. Ce silence menaçait de se prolonger indéfiniment. Flavia se décida à le rompre. « Vous avez demandé à me voir, Madame la Duchesse, dit-elle. J'y ai consenti. » Bien que votre présence dût raviver en moi de cruels souvenirs. Parlez, que me voulez-vous ? Les paroles de Flavia Morin résonnèrent comme un coup de fouet aux oreilles de Madame de Valombreuse. Elle releva vivement la tête, et regardant en face son ancienne salariée, elle répondit d'une voix sourde, mais nettement accentuée, « Je viens savoir pourquoi vous me poursuivez, moi et mes enfants, d'une haine implacable. » La question était posée d'une façon si précise et si directe qu'elle écartait tout biais préparatoire. « Vous me demandez, madame, le motif de la haine qu'en effet je vous porte ?» reprit la jeune fille. La duchesse fit un geste affirmatif. « À quoi bon m'interroger, madame ?» continua Flavia en arrêtant son regard incisif sur son interlocutrice. « Descendez au fond de votre conscience, elle vous répondra mieux que je ne saurais le faire. » « Je ne trouve dans ma conscience « que le souvenir du bien que je vous ai fait autrefois, » répondit Madame de Valombreuse. À cette réponse, Flavia se leva toute frémissante et d'une voix que la colère rendait tremblante. « Vous osez me parler du bien que vous m'avez fait, » dit-elle, « et m'en parler à moi, vous ?»« À vous entendre, mademoiselle, on croirait en vérité que je suis cause du malheur qui vous a frappé. »« Vous n'avez jamais dit si vrai, madame. »« Si vrai et en quoi ?»« En quoi ?» s'écria Flavia hors d'elle-même. « Puisque vous feignez de l'ignorer, je vais vous le dire. C'est vous, madame. C'est votre main criminelle qui a versé le poison dans le breuvage que je vous avais apporté. Oui, c'est par jalousie que vous m'avez lâchement, misérablement accusé d'un crime que je n'avais point commis. Et cela, afin de vous délivrer à tout jamais de moi, que vous supposiez être votre rival. Mensonge, calomnie, protesta la duchesse, tout en s'efforçant de conserver le sang-froid qui peu à peu l'abandonnait. Ainsi j'ai menti, oui. Je suis curieuse de connaître, madame, si vous nierez aussi les preuves que j'ai de votre crime, répondit Flavia Morin de la ton railleur. Des preuves ? Fit madame de Vallombrose avec un geste d'incrédulité. Commençons par les preuves morales, continua l'ancienne institutrice sur le même ton ironique. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était la jalousie qui vous avait poussé à me perdre. Je vais vous en convaincre. Flavia ouvrit un secrétaire. Elle en retira une lettre jaunie par le temps. Puis, plaçant cette lettre sous les yeux de la grande dame, « Reconnaissez-vous cette écriture ?»« Cette lettre du duc qu'on m'a volée ?» fit la duchesse stupéfaite. « Mais comment se trouve-t-elle entre vos mains ? » ajouta-t-elle en essayant de se remettre. « Voyons. Dites, je veux le savoir. » « Je pourrais vous renvoyer la question, madame, » répondit Flavia en souriant dédaigneusement, « et vous demander à mon tour comment il s'est fait qu'une lettre à moi adressée soit tombée dans vos mains. Du droit qu'une femme a de se défendre contre celle qui veut lui prendre le cœur de son mari, mademoiselle. » La jeune fille haussa les épaules. « Si vous aviez pris la peine de lire attentivement cette lettre qui vous a inspiré votre crime, au lieu de me redouter et de me perdre, » répliqua-t-elle, vous ne m'auriez qu'estimé davantage, car cette lettre est la preuve manifeste de mon innocence. Selon vous, j'aurais dû vous remercier d'avoir jeté dans l'âme du duc de Vallombreuse et encouragé une passion assez insensée, assez coupable, pour lui faire désirer ma mort. Puisque vous persistez dans votre injurieuse accusation, dit Flavia d'une voix impérieuse, c'est votre mari qui va sortir de sa tombe pour me défendre. Relisez cette lettre, madame. La situation était tellement tendue que la duchesse se laissait aller peu à peu et sans s'en rendre compte au courant qui l'emportait. Aussi, lorsque la jeune fille eut placé sous ses yeux la lettre du duc, elle obéit machinalement et relut les pages passionnées et folles qu'elle avait depuis longtemps désapprises. « Eh bien ? » dit Flavia, comme madame de Vallombreuse eut achevé de lire, « si j'avais répondu à l'amour de votre mari, ou si seulement... je lui avais laissé la plus légère espérance, croyez-vous qu'il m'eût offert, en prévision de votre mort, le titre de duchesse ? » Madame de Vallombreuse, vaincue par l'évidence, courba la tête. Au soulèvement de sa poitrine, à l'altération de ses traits, il était facile de voir qu'une lutte violente, terrible, désespérée, se livrait dans son âme. Par moments, elle voulait tomber aux genoux de Flavia, tout lui avouer, et implorer sa pitié et son pardon. Puis, bientôt, son orgueil prenait le dessus, se révoltait et reculait devant cette humiliation, devant cette expiation qui, peut-être, eût désarmé son ennemi. La jeune fille poursuivit. « Je vous ai montré la preuve morale de votre crime, madame. Il me reste à présent à produire sa preuve matérielle. » La duchesse, en entendant ces paroles, se demanda avec un sentiment de regret profond si l'ancienne institutrice de ses filles, cruellement éprouvée par le malheur son oncle avait frappé, ne devenait pas folle. « Et quelle est cette preuve ? » dit-elle. Flavia Morin alla chercher dans le secrétaire le procès-verbal dressé au château de Faubouloie pendant la nuit que nous connaissons, et le lui remettant. « Voyez, madame, » dit-elle. La duchesse prit le papier, et à mesure qu'elle lisait, elle se sentait saisie de vertige. Tous les faits, et jusqu'au moindre détail consigné sur le papier qu'elle tenait à la main, était d'une exactitude écrasante, formidable. Rien n'y était oublié, pas même ses plus secrètes pensées au moment de l'accomplissement du crime. Debout et immobile, Flavia suivait et savourait avec une joie cruelle les émotions terribles qui se succédaient dans l'âme de la grande dame. Lorsque la duchesse fut arrivée à la fin de sa lecture et qu'elle vit son nom inscrit en toutes lettres, « C'est un faux !» s'écria-t-elle. « Madame, » répondit l'ancienne institutrice, « ce qui est avec moi lorsque vous avez signé et dont vous pouvez lire les noms dessus du vôtre rendront témoignage, quand je le voudrais, de l'authenticité de votre confession. » « Mais comment aurais-je pu apposer ma signature sur ce papier ?» reprit madame de Vallombreuse avec effarement. « Dans quelles circonstances ? J'interroge ma mémoire, elle ne me rappelle rien, absolument rien. » En effet, vous ne pouvez pas vous souvenir, répliqua Flavia. Vous vous trouviez, lorsque vous avez approuvé et signé cet écrit, sous l'influence d'un breuvage inconnu dans nos pays. Mais c'est à me faire douter que j'existe, dit la duchesse en portant la main à son front. Expliquez-moi, apprenez-moi. Vous vous étiez servi d'un breuvage pour me perdre, interrompit la jeune fille. J'ai eu recours à un breuvage pour jeter le crime sur vous qui l'aviez commis. C'était de bonne guerre, n'est-il pas vrai, madame? Le breuvage que Scabieuse vous a versé au château de Faubourlois a une propriété étrange et infaillible. Les Indiens qui seuls possèdent le secret de sa composition l'appellent la liqueur qui fait parler. Vous l'avez prise et vous avez parlé, madame, puisque vous avez signé votre déclaration. Comprenez-vous à présent? Lorsque madame de Valombreuse se fut remise de la stupeur dans laquelle elle avait jeté ses paroles, elle se tourna vers Flavia. « J'admets tout ceci, mademoiselle, mais cet écrit est sans valeur. Quel tribunal l'admettrait comme une preuve contre moi ?»« Mon intention n'est pas de le produire en justice, » répondit l'ancienne institutrice. « J'étais condamnée, et je sais que la justice revient rarement sur ses arrêts. Alors à quoi bon m'avoir arraché ce prétendu aveu ? Je vais vous l'apprendre, madame. » L'accent de cruauté froide avec lequel Flavia Morin proféra ses paroles glaça d'épouvante la duchesse de Valombreuse. « J'écoute, » dit-elle d'une voix qu'elle s'efforçait, mais en vain, de rendre calme. Flavia la regarda bien en face et il poursuivit en ces termes. « Ce papier que vous avez vu, madame la duchesse, et qui fait de vous mon esclave, me vengera de vous. Je ne puis vous atteindre dans votre personne. Mais armé de cette pièce, qui sera une épée de Damoclès suspendue sur votre tête, je vous atteindrai dans votre tendresse maternelle. Oui, je vous frapperai dans vos enfants. Et si vous tentez d'opposer la moindre résistance aux ordres que je vais vous donner, j'irai trouver vos filles, ce papier accusateur en main. Et quand elles connaîtront qui vous êtes et le crime abominable que vous avez commis, elles se détourneront de vous avec horreur et vous renieront pour mère. La duchesse sentit tout son sang lui affluer au cœur, puis du cœur à la tête, comme si elle allait être frappée d'apoplexie. Longtemps elle fut à se remettre, et quand cet ébranlement nerveux eut cessé, « Vous ne ferez pas cela, non, vous ne le ferez pas !» dit-elle. « Regardez-moi en face, madame, et lisez ma réponse dans mes yeux, » repartit Flavia d'une voix inflexible. « Parlez, ordonnez, tout ce que vous exigerez, je m'y soumets à l'avance. » Pourvu que mes enfants ne me maudissent pas. Mon œuvre a commencé par la ruine de votre fils, madame, et mon œuvre s'accomplira tout entière. Est-ce, après la fortune Octave, la mienne, qu'il vous faut? Elle est à vous. Votre fortune? Et qu'en ferai-je? Je suis plus riche que vous. Cependant, votre ruine est celle de vos filles, suivant de près celle de votre fils, car je vous veux tous aussi pauvres que je l'étais moi-même, lorsqu'il y a 4 ans. Je suis entrée chez vous comme institutrice. Mais je ne m'abaisserai pas jusqu'à ramasser vos dépouilles. Je laisserai ce soin à Célestine Barbeau. Si ma ruine et celle de mes enfants ne vous semblent point un châtiment suffisant, murmura la duchesse au comble de la terreur, que voulez-vous donc? Je veux 2 choses, madame. La première, c'est que vous retiriez votre demande en interdiction contre votre fils. Ce sera fait. La seconde, c'est que votre fille n'épouse point le vicomte de Kerlusset. Une sueur froide inonda le corps de madame de Valombreuse et lui sembla que son cœur cessait de battre. « Mais Marcel est innocente, » murmura-t-elle. « J'ai dit, madame, refusez, et Marcel connaîtra ce que renferme ce papier signé de vous. »« Vous êtes bien cruelle, bien impitoyable, mademoiselle. Mais je suis en votre pouvoir. » Et j'aurai la lâcheté de vous sacrifier ces pauvres enfants. Toutefois, ajouta-t-elle, vous ferez grâce à l'autre. Vous épargnerez ma chère Ève, n'est-ce pas? C'est bien le moins que le bonheur de l'un de mes enfants me dédommage et me console du malheur des 2 autres. Le mariage d'Ève avec M. de Maurice de Lavernay se rompra de lui-même, répondit froidement Flavia. De lui-même? Et pourquoi? Reprit la duchesse avec étonnement. « Parce que vous ne consentirez jamais, et qu'Ève elle-même ne consentira point a épousé le fils d'un homme dont la tête est promise à l'échafaud. Le parent de Lavernet ? Et l'assassin de sa sœur, madame. Flavet apprit alors dans un album les preuves photographiques que lui avait remises le docteur Cabarrox à son retour du château et la présenta à madame de Vallombreuse. Regardez avec ce verre grossissant, et vous verrez si ma prophétie est mensongère. La duchesse prit le dessin et la loupe. Presque aussitôt elle recula, terrifiée. Ce n'est pas tout, continua Flavia. Il existe une seconde épreuve de cette photographie. C'est le juge de paix qui la possède et qui doit la produire en justice sous 3 jours, si le baron ne dénonce pas lui-même son crime. Un silence succéda à ces paroles. « Mademoiselle, dit bientôt la duchesse, dont les traits étaient douloureusement contractés, le malheur de mes enfants me tuera sans doute. Est-ce que je suis morte, moi, qui ai souffert plus que vous, madame ? Enfin, je puis mourir. Moi disparu, votre haine se trouverait désarmée. Lors même que vous voudriez poursuivre la mère au tombeau dans ses enfants innocents, vous seriez impuissante contre eux. » Flavia réfléchit un moment. « C'est vrai, répondit-elle, votre mort, et j'ai intérêt à ce que vous viviez, votre mort serait l'écroulement de ma vengeance. » Un éclair presque imperceptible de joie brilla dans les yeux de madame de Vallombreuse. « Adieu, mademoiselle, dit-elle à Flavia. Je souhaite du plus profond de mon cœur que votre vengeance soit moins lourde un jour sur votre conscience que ne l'a été sur la mienne, le crime dont je me suis rendu coupable dans une heure d'égarement. » La duchesse se retira après avoir prononcé ces mots.